monstre sale, affreux piquet, pollution sonore, pollution olfactive, affreux minable, minable piquet, tas de merde sur pattes, affreux chapeur, super emmerdeur, aux enfants tu fais peur. On n'est pas tous comme Brigitte Bardot. On n'est pas tous maniaques des animaux. On n'est pas tous fous des oiseaux. Sale oiseau minable, goéland, distributeur de merde, pollueur diurne. Sale oiseau, espèce nuisible, répréhensible, super salisseur. On n'est pas tous maniaques des animaux. On n'est pas tous fous des oiseaux. On n'est pas tous fous des animaux, on n'est pas tous comme des chefs partout.